Ici, Jacques s'embarrassa. Dans une métaphysique très subtile et peut-être très vraie, il cherchait à faire concevoir à son maître que le mot douleur était sans idée et qu'il ne commençait à signifier quelque chose qu'au moment où il rappelait à notre mémoire une sensation que nous avions éprouvée. Son maître lui demanda s'il avait déjà accouché. « Non, lui répondit Jacques. Et crois-tu que ce soit une grande douleur que d'accoucher ?»« Assurément. Plains-tu les femmes à mal d'enfants ?»« Beaucoup. Tu plains donc quelquefois un autre que toi ?» Je plains ceux ou celles qui se tordent les bras, qui s'arrachent les cheveux, qui poussent des cris, parce que je sais par expérience qu'on ne fait pas cela sans souffrir. Mais, pour le mal propre à la femme qui accouche, je ne le plains pas. Je ne sais ce que c'est, Dieu merci. Me voilà donc, pensé, un peu soulagé, le chirurgien parti, et mes hôtes retirés et couchés. Leur chambre n'était séparée de la mienne que par des planches à claire-voie sur lesquelles on avait collé du papier gris, et sur ce papier, quelques images enluminées. Je ne dormais pas. Et j'entendis la femme qui dit à son mari « Laisse-moi, je n'ai pas envie de rire. Un pauvre malheureux qui se meurt à notre porte. Femme, tu me diras tout cela après. Non, cela ne sera pas. Si vous ne finissez, je me lève. Cela me fera-t-il bien aise lorsque j'ai le cœur gros? Oh, si tu te fais t'en prier, tu en seras la dupe. Ce n'est pas pour se faire prier, mais c'est que vous êtes quelquefois d'un dur. C'est que... » Après une assez courte pause, le mari prit la parole et dit « Là, femme, convient donc à présent que par une compassion déplacée, tu nous as mis dans un embarras dont il est presque impossible de se tirer. L'année est mauvaise. À peine pouvons-nous suffire à nos besoins et aux besoins de nos enfants. Le grain est d'une cherté. Point de vin, encore, si l'on trouvait à travailler. Mais les riches se retranchent. Les pauvres gens ne font rien. Pour une journée qu'on emploie, on en perd quatre. Personne ne paye ce qu'il doit. Les créanciers sont d'une âpreté qui désespère. Et voilà le moment que tu prends pour retirer ici un inconnu, un étranger qui restera tant qu'il plaira à Dieu et au chirurgien qui ne se pressera pas de le guérir. Car ces chirurgiens font durer les maladies le plus longtemps qu'ils peuvent. Qui n'a pas le sou et qui doublera, triplera notre dépense. Là, femme, comment te déferas-tu de cet homme? Parle donc, femme, dis-moi donc quelque chose. Est-ce qu'on peut parler avec vous? Tu dis que j'ai de l'humeur, que je gronde. Eh, hey, qui n'en aurait pas? Qui ne gronderait pas? Il y avait encore un peu de vin à la cave. Dieu sait le train dont il ira. Les chirurgiens ont mûri hier soir, plus que nous et nos enfants n'aurions fait de la semaine. Et le chirurgien, qui ne viendra pas pour rien, comme tu peux penser, qu'il paiera. Oui, voilà qui est fort bien dit. Et parce qu'on est dans la misère, vous me faites un enfant, comme si nous n'avions déjà pas assez. Oh que non, oh que si. Je suis sûr que je vais être grosse. Voilà, comme tu dis toutes les fois. Et cela n'a jamais manqué, car l'oreille me démange après, et j'y sens une démangeaison comme jamais. Ton oreille ne sait ce qu'elle dit. Ne me touche pas. Laisse-la, mon oreille. Laisse donc, l'homme. Est-ce que tu es fou? Tu t'en trouveras mal. Non, non, cela n'est pas arrivé depuis le soir de la Saint-Jean. Tu feras si bien que... Et puis, dans un mois d'ici, tu me bouderas, comme si c'était de ma faute. Non, non. Et dans 9 mois d'ici, ce sera bien pis. Non, non. C'est toi qui l'auras voulu. Oui, oui, tu t'en souviendras. Tu ne diras pas comme tu as dit toutes les autres fois. Oui, oui. Et puis voilà, que de non, non, en oui, oui, cet homme, enragé contre sa femme, d'avoir cédé à un sentiment d'humanité, c'est la réflexion que je faisais. Il est certain que ce mari n'était pas trop conséquent, mais il était jeune et sa femme jolie. On ne fait jamais tant d'enfants que dans les temps de misère. Rien ne peuple comme les gueux, dit le maître. Un enfant de plus n'est rien pour eux. C'est la charité qui les nourrit. Et puis, c'est le seul plaisir qui ne coûte rien. On se console pendant la nuit, sans frais, des calamités du jour. Cependant, les réflexions de cet homme n'en étaient pas moins justes. Tandis que je me disais cela moi-même, je ressentis une douleur violente au genou. Et je m'écriais « Ah, le genou !» Et le mari s'écria « Ah, femme !» Et la femme s'écria « Ah, mon homme mais, cet homme qui est là !» Eh bien, cet homme, il nous aura peut-être entendu. Qu'il est entendu. Demain, je n'oserai le regarder. Et pourquoi? Est-ce que tu n'es pas ma femme? Est-ce que je ne suis pas ton mari? Est-ce qu'un mari a une femme? Est-ce qu'une femme a un mari pour rien? Ah ah! Eh bien, qu'est-ce? Mon oreille. Eh bien, ton oreille. C'est pire que jamais. Dors, cela se passera. Je ne saurais. Ah, l'oreille, ah, l'oreille. L'oreille, l'oreille, cela est bien aisé à dire. » Je ne vous dirai point ce qui se passait entre eux, mais la femme, après avoir répété « l'oreille, l'oreille » plusieurs fois de suite à voix basse, est précipitée, finit par balbutier, à syllabes interrompues. L'oreille et la suite de cette oreille, je ne sais quoi, qui, joignant au silence qui succéda, me fait imaginer que son mal d'oreille s'était apaisé d'une façon ou d'une autre. Il n'importe. Cela me fit plaisir. Et à elle, donc. Jacques, mettez la main sur la conscience et jurez-moi que ce n'est pas de cette femme que vous devinez amoureux. Je le jure. Tant pis pour toi. C'est tant pis ou tant mieux. Vous croyez apparemment que les femmes qui ont une oreille comme la sienne écoutent volontiers. Je crois que cela est écrit là-haut, Jacques. Je crois qu'il est écrit à la suite qu'elle n'écoute pas longtemps le même et que les en son temps soient peu sujettes à prêter l'oreille à un autre. Cela se pourrait.